qu'il a six lions, l'impression. Lu par Sabine pour audiocité.net sous la licence paternité, pas de commercialisation, partage à l'identique. Mon ciao a été brutal. J'ai abandonné sans remords ma petite Toyota Yaris. Le sentimentalisme ne fait plus partie de mes priorités. J'ai enfoui cette émotion sous une montagne de Kleenex qui jonche encore le parquet de mon appartement. Je range dans un casier de ma tête un seul mot qui clignote comme un néon. Survie. Je préfère sauver ma peau plutôt que de conserver ma carcasse métallique chérie. Je marche dans la forêt de Compiègne où les doux vallons sont tapissés de hêtres. Les bois sont sombres et silencieux. Ils fleurissent de chênes tortueux, de pins droits, de sentiers d'animaux et de pistes cyclables. Grâce au couvre-feu instauré par les nouvelles patronnes, le coin est désert. J'emprunte sans conviction l'une des pistes cyclables, histoire de conserver un lien avec ce semblant de civilisation. Ma progression se fait lentement, je suis recouverte de boue. Je peux même sentir le limon fangeux à l'intérieur de mes rangers. J'ai faim, j'ai soif. Si j'en crois mon odeur corporelle, je peux d'ores et déjà rivaliser avec tous les putois des environs. Je suis fatiguée, même si ma survivance se résume au contenu de mon sac. Une bouteille d'eau, un sandwich, sans oublier un vieux paquet de gâteaux à moitié entamé. J'aurais dû être plus vigilante et prévoir que ce genre de situation pouvait me tomber dessus. Je stoppe ma marche. En face de moi se dresse un grand trou de pluie. Tant pis, je décide de contourner la petite mare en zigzagant entre les plantes et en chassant à grands coups de revers de main les insectes qui tournoient autour de moi. Certaines se posent sur mes cheveux, d'autres se nichent dans mon cou. Je crois qu'elles m'aiment bien. Génial! Je suis élevée au rang de reine des mouches à merde. 100 pas plus tard, je me retrouve nez à nez devant une vieille bâtisse. D'emblée, elle me file les chocottes. Elle semble sortir tout droit d'un film d'horreur. J'aurais préféré un conte de fées, mais ma chance continue à tourner dans le mauvais sens. Et puisque les apparences sont trompeuses, je m'interdis de désespérer aussi rapidement. Apparemment, aucune aura sans vue, c'est déjà un bon point. Avec détermination, je pose mon sac sur la terre brune et frappe violemment l'entrée en bois. « Ouvrez-moi » dis-je en tambourinant énergiquement à la porte du logis. À l'intérieur, dans un coin de la pièce, j'imagine le regard hagard du propriétaire. Mais la silhouette s'évapore aussi vite qu'elle m'est apparue. J'ai rêvé. Après tout, cette cabane pourrie est peut-être inoccupée. Une chose est certaine, je suis dans la mouise jusqu'au cou. La nuit ne va pas tarder à tomber. Si je reste sans abri, je n'ai plus aucune chance. Il y a une semaine encore, j'étais peinarde, bien au chaud dans mon petit studio en plein cœur de Paris. D'accord, ce n'était pas Byzance. Mais j'avais encore un truc qui ressemblait à un bout de vie. Ma dernière injection de testostérone remonte à 3 jours. Mon apparence masculine se dissipe vite sans une autre dose. J'ai pris des risques incommensurables pour ne pas éveiller les soupçons. 2 ans après leur arrivée, les Horaces avaient pris le contrôle de la planète. Moi, je les surnomme les connasses, parce que c'est ce qu'elles sont réellement. Ces créatures aux tentacules violacés et visqueux n'ont rien à voir avec des beautés cosmiques. Elles ne dorment jamais et patrouillent toujours par équipe de 4. Elles n'ont jamais fait de cadeau aux dernières représentantes de mon espèce. La merveilleuse gente féminine a été exterminée par ces monstres. Les Horaces usent d'armes psychiques très puissantes. Cela compense leur extrême laideur. Le jeu favori est de nous presser comme des citrons. Et « presser » est un euphémisme. Les corps explosent littéralement. Nulle femme ne peut échapper aux côtés obscurs des tentacules. Les hommes ne bougent pas un seul petit doigt pour nous sauver. Comment le pourraient-ils? Ils ont subi une lobotomie collective et ne les perçoivent pas comme nous. Ma répugnance est grande lorsque je vois un Horace et un homme, tentacules dans la main, comme si de rien n'était. Le mythe d'Adam et Ève est une arnaque monstrueuse. Hormis le serpent, qui devait être une Horace. Dans la forêt, un étrange changement s'opère. J'ai la chair de poule. Je remarque que les oiseaux ont baissé le volume de leur chant. Autour de moi, la végétation semble plus dense. Soudain, Je sens une chose derrière moi. Je n'ose plus faire le moindre mouvement. Je suis suspendue dans le temps, ce qui rend franchement ma posture ridicule. J'ai encore la main scotchée sur la porte et la bouche grande ouverte, avec une mimique horrible. Mais j'ai peur de faire du bruit si je la referme. À cet instant, je psychote grave. Et dire qu'il suffirait que l'autre benêt me laisse entrer pour me sortir de ce pétrin. Tout ça, c'est à cause de Mika, m'a dit le attitré. J'ai tenté de la joindre plusieurs fois sur son portable afin de me réapprovisionner. Ses doses d'hormones stéroïdiennes déchirent. En deux temps trois mouvements, les petites injections m'ont transformé. Je possède une pilosité abondante, une voix très rauque et un petit ventre grassouillé dont je suis extrêmement fière. Bref, j'ai l'apparence d'un zigoto à peu près potable. Mais Mika ne me répond plus et son sempiternel message de bienvenue me met les nerfs en plotte. J'en conclus que les Horaces ont dû trouver sa planque et la presser jusqu'à évaporation complète de sa personne. J'ai peur de recomposer le numéro et d'entendre « Désolé, mais la personne que vous demandez est décédée pour le moment. Veuillez ne plus rappeler. » Elle a toujours refusé de se camoufler, un peu comme certains dealers qui refourguent leur cam, mais qui ne se shootent jamais avec. Elle a des principes, ma Mika. Jouer avec la marchandise, cela ne se fait pas, selon elle. Elle dit souvent « Jeanne, s'il doit rester une dernière femme sur cette terre, ce sera moi. » Pour le coup, c'est loupé. Depuis sa disparition, mes choix se rétrécissaient comme un pull en cachemire qu'on aurait lavé à l'eau froide. Sans hormones, je suis mal barrée. Avec les hormones, le fil de ma vie se rallonge considérablement. Avec, sans, avec, sans, tout ça se mélange dans ma tête. Je dois trouver une autre source d'approvisionnement et dardard, sinon je vais crever comme une chienne. Je baisse les yeux, le benêt n'a même pas de paillasson. Il est hors de question que je crève ici. Je prends mon courage avec la main qui demeure encore mobile et commence à brasser l'air. Cette fois, l'obscurité m'enveloppe. À l'intérieur de la maisonnée, un balai de faisceaux lumineux perce l'obscurité. « Vas-y, nargue-moi, enfoiré » dis-je, écœuré de ne pas m'être trompé. Comme un automate, je vois le pépère fermer tranquillement les clapets des deux fenêtres. Son indifférence me donne envie de gerber. Il vient de signer mon arrêt de mort. Derrière moi, j'entends une branche craquer. Mon cerveau ne fonctionne plus. Pourtant, les informations que je reçois sont extrêmement claires. « Fuis, Jeanne ! Fuis ! Mais fais-le vite !» La peur me paralyse. Non, elle me rend complètement débile. Une nunuche dont les genoux jouent des castagnettes. Mon temps de réaction, digne d'un escargot, va m'être fatal. Une matière visqueuse s'enroule autour de mes godasses et remonte lentement pour explorer mon entrejambe. Laura est en train de me sonder. Elle pratique une fouille longue et minutieuse. Puis, la créature s'immobilise. Je dois sans doute ce répit aux traces d'hormones stéroïdiennes présentes dans mon corps. Qui trompe qui cette fois, pétasse? Je ferme les yeux avec l'espoir de voir cette protubérance ignoble s'éloigner de moi. Comment les hommes font-ils pour coucher avec elle? Mentalement, je rajoute un mot sur ma liste. Curiosité. Je ne veux pas mourir ici, mais le fil de ma vie semble se ratatiner à la vitesse grand V. De toute manière, la mort ne tape jamais à votre porte avec le sourire en vous disant « C'est pour 16 heures demain, inutile de me supplier pour décaler, j'ai d'autres âmes à faucher. » Les tentacules vont cercler mon petit corps grassouillé en exerçant une terrible pression. Je suis trop lente, et elle, trop rapide. Au moins, un peu de mon sang giclera sur la porte du benêt, cela me réconforte un peu. Mais il ne se passe rien. Quand je rouvre les yeux, Laura a disparu. Son corps amorphe s'est volatilisé entre les buissons. Alors j'attrape mon sac et je file comme le vent. Je m'élance en avant et fais des bonds. J'évite autant que possible la terre et les cailloux qui freinent considérablement ma fuite. Je me cramponne à la vie. Je suis tellement heureuse d'avoir échappé à l'orace que j'en jouirai dans mon pantalon. Je cours tellement vite que le paysage se fige autour de moi. Je suis plongée dans l'obscurité avec les battements de mon cœur. Je peux même sentir mon sang circuler sous ma peau. Je viens de changer l'ordre des mots de ma liste. En haut, tout en haut de celle-ci, s'inscrit pour la première fois le mot espoir.